Là, il rentre, Borka, il est bien, il est bien cassé. Je joue toujours écrit, la jambe pas qu'à rentrer. Les gros gars, capables, les redressements, développement. Parole en bouche, pas charge, tout ça, c'est cinéma.